Non, il se lassera bien avant moi. Te barre pas, tu verras. C'est écrit sur ma peau, je suis made in rock'n'roll. C'est pas le vent, le vent des mauvais qui passe. Que c'est pas le vent des mauvais qui passe. Le temps il va tomber bien avant moi. Te barre pas, tu verras. C'est écrit sur mon cœur, je suis made in rock'n'roll. En place, c'est pas l'argent qui me frappe.